Patati patata, celle qui me prend dans ses bras. Et patati patata, celle qui me fait le chocolat. Le chocolat. Et patati patata, celle qui est passée par là. Et patati patata, celle qui repasse par là. Oh oui, par là. Pour te dire qu'elles me prennent un peu trop la tête. Mais toutes ces filles sont très très chouettes. On pourrait se mettre sous la couette plutôt que se faire un brin de causette. Et patati patata, celle qui ne parle que de chat. Et patati patata, celle qui m'emmène sous les toits. Là sous les toits. Et patati patata, la caissière de chez Cora. Et patati patata, celle que je vois au cinéma. Au cinéma. Tout ça pour te dire qu'elles me prennent un peu trop la tête. Mais toutes ces filles sont très très chouettes. Mais ça s'agite sous ma braguette, il faut toujours faire la causette. Et patati patata, celle qui ne parle que de toi. Et patati patata, celle qui vend des fringues en bas. Les fringues en bas. Et patati patata, celle qui fait courir là-bas. Et patati patata, celle qui a pris le pyjama. Mon pyjama. Ça pour te dire qu'elles me prennent un peu trop la tête. Mais toutes ces filles sont très très chouettes. Il faudrait peut-être que je m'arrête de faire toujours la grande causette. Et patati patata, je me demande si c'est pas moi. Et patati patata, c'est peut-être que j'aime ça. Que j'aime ça. Et patati patata, elles disent peut-être ça de moi. Et patati patata, celui qui ne drague pas. Ne drague pas. Tout ça pour te dire que je me prends un peu trop la tête. Mais toutes ces filles sont très très chouettes. Il faut que j'arrête la causette si je ne veux pas faire que la branlette. Et patati patata, celle qui est passée par là. Et patati.